un peu trop loin de la maison. Quand soudain un vol de pigeons se posa là sur le fronton d'un bâtiment un peu trop long, avec 4 mètres sous plafond. Une grande bâtisse pleine de pignons, avec 4 mètres sous plafond. Libre comme l'air, violent, tremblant de tout son être, désireux de plaire, les filles dansent sans paraître. Seins nus, tenues légères, et s'abandonnent pour reconnaître celui qui vit sur elle. Ça vibre à plein sur le gazon. Un type m'apprend que le baron donne une fête sans pantalon. Et v'là t'y qu'un beau démon agite sa coupe sous mon menton. Je reste calme sans un frisson. Juste à côté y'a un grand blond, libre comme l'air, violent, tremblant de tout son être, désireux de plaire. Les filles dansent sans paraître, sa nuit tenue légère, et s'abandonne pour reconnaître celui qui ici règne en mer. Son gesticule comme des coups.